بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On reprend aujourd'hui le cours avec le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, avec le commentaire de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et le Cheikh, il expliquait, comme on a commencé à expliquer au dernier cours, le fait que le wali, c'est uniquement celui qui est croyant et qui est taqi. Puis on a expliqué que parmi ceux-là, il y a ceux qui sont les muqarraboun, as-sabiqoun al-muqarraboun, ceux qui ont dépassé les gens dans la piété et qui sont parmi les premiers, qui sont rapprochés d'Allah. Puis il y a aussi Ashab al-Yamin, al-Abrar, donc les gens du bien, les gens de la droite, qui sont les gens de la voie moyenne. D'accord ? Mais le Cheikh, il expliquait qu'en ce qui concerne les kuffars et les munafiqin et les Ahlul Fatra et les fous et les gens qui n'ont pas la raison, même s'ils sont dans une troisième catégorie, on a dit ceux-là, ils vont avoir un jugement spécial au jour de la résurrection, mais ils ne sont pas considérés comme étant des croyants dans cette vie, et on ne peut pas les considérer donc comme étant des awliya. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Puis, on a dit par la suite, « وَلَكِنَ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزِ تَصِحُّ عِبَادَتُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عبادته باتفاق العلماء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا. Donc le cheikh il dit par la suite, en ce qui concerne, parce qu'on a expliqué le hadith avant au sujet des trois catégories au sujet desquelles la plume a été soulevée, c'est-à-dire que les anges ils écrivent pas qu'est-ce qu'ils font, et ces trois catégories là, le premier c'est la personne qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'elle revienne elle retrouve la raison. La deuxième catégorie, c'est l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Et la troisième catégorie, c'est celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. On dit que ces trois catégories-là ne sont pas mukallaf à ce moment-là. Et donc le cheikh, il dit que, par contre, l'enfant qui a atteint l'âge du discernement, et l'âge de la puberté, c'est pas la même chose que l'âge du discernement. Parce que quelqu'un, il peut avoir la capacité de comprendre et de distinguer entre les choses sans toutefois avoir encore atteint la puberté. D'accord ? Donc quand par exemple l'enfant il fait la prière quand il est petit, alaykoum salam wa rahmatullah, comme à 7 ans ou à 10 ans, hein, comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ordonnez à vos enfants de prier à partir de 7 ans. Si l'enfant il a atteint la capacité de distinguer entre les choses, puis il est capable de comprendre qu'est-ce que c'est la salat, donc il va commencer à faire la salat, à ce moment-là, la prière elle n'est pas obligatoire pour lui. Mais le cheikh il dit, malgré tout, elle sera quand même valable et il sera quand même récompensé de l'avoir fait, même si ce n'est pas obligatoire pour lui, selon la majorité des ulama. Il dit, en ce qui concerne la personne qui a perdu la raison, eh bien la plume elle est soulevée, c'est-à-dire les anges ils écrivent pas ce qu'il fait, parce qu'il est pas responsable de ce qu'il fait, il est pas mukallaf. Pourquoi? Parce qu'il a pas, il réfléchit pas, il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Donc les adorations qu'il va faire ne seront pas non plus valables, ces adorations là ne seront pas correctes, ne seront pas acceptées. Et il dit ça c'est selon tous les ulama. Il n'y a pas de divergence. Il dit لعدم النية. Cheikh Al-Fawzan il dit لعدم النية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والمجنون ليس عنده نية ولا قصد. Donc il dit parce qu'il n'a pas de d'intention quand il fait quelque chose, puisqu'il est, il n'a pas de raison, hein, il n'a pas sa raison, il n'a pas ses capacités intellectuelles. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres n'auront de valeur que par leurs intentions, et chacun sera récompensé uniquement selon son intention. Donc, si quelqu'un n'a pas d'intention, il ne peut pas être récompensé. Et il dit, c'est la même chose, donc, pour la personne qui n'a pas de raison, puisqu'elle a pas, qui a, parce qu'elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de qasd ou de niya dans ses actions. Le qasd, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle tu fais quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu as comme objectif ou comme but et comme intention lorsque tu fais quelque chose? Donc, pourquoi Cheikh al-Islam, pourquoi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne ça ici maintenant? C'est pour expliquer en même temps que, comme on disait au dernier cours, certains parmi les soufis, parfois ils vont dire à propos de leur awliya, ceux qu'ils considèrent comme étant des saints ou des serviteurs rapprochés, ils disent que parfois on trouve dans leurs écrits ou dans leurs paroles des choses de kufr ou des paroles de shirk, comme les propos de Ibn Arabi à propos de Wahdatul Wujud, ou bien des propos de Al-Hallaj, hein, quand il dit que, et comme s'il dit, il n'y a rien dans ce manteau excepté Allah. Hein, il montait sur, on dit qu'il est monté sur la Kaaba, puis il criait, il disait, il n'y a rien dans ce manteau excepté Allah. Hein, et des paroles de kouf comme ça. Ils disent, ça c'est parce qu'ils ont atteint un degré d'extase et de ils sont devenus tellement, ils ont atteint un niveau d'extase tellement grand qu'ils ont perdu la raison. Donc ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, dans ce cas-là, ce ne sont pas des awliya, ce sont des fous. Et le fou, il n'est pas un wali. Donc, et puis comment tu peux prendre ta religion de quelqu'un qui a perdu la raison, hein? Donc eux, ils se basent sur des paroles de quelqu'un, puis après ils disent non, mais il a perdu la raison quand il a dit ça, parce qu'ils savent que c'est des paroles de kufr, hein? Mais en réalité, ils disent ça comme une excuse, parce qu'ils savent très bien que c'est pas parce qu'il a perdu la raison qu'il a dit ça, c'est parce que il était égaré. C'est aussi simple que ça. Mais eux, pour les excuser, ils vont dire bon, ils avaient perdu la raison ou des choses de ce genre. Le cheikh dit wala yasihu minhu iman. Par quel exemple qu'on pourrait montrer ou quelle preuve qu'on pourrait montrer pour dire que la personne n'est pas folle réellement? C'est que ces gens-là, souvent, ils ont été arrêtés, emprisonnés, on les a appelés à se repentir pendant des années et ils ont refusé de se repentir. Si c'était des gens fous, hein, qui ont perdu la raison à un certain moment donné et qu'ils ont dit ces paroles-là lorsqu'ils étaient pas, lorsqu'ils avaient plus leur tête, mais quand ils retrouvent leur raison, pourquoi ils continuent à le dire ou bien pourquoi ils refusent de revenir sur ces propos-là, hein? Donc ça, c'est la preuve que c'était pas de la folie réelle, hein? Ensuite, le cheikh dit wala yasihu minhu iman. Donc il dit, même si on va pas accepter de la personne qui est folle aucune foi, aucune mécréance, aucune salat et rien d'autre des actes d'adoration. Des fois, vous voyez quelqu'un, par exemple, parmi les gens qui est déficient intellectuel ou qui n'a pas sa raison, hein, il va commencer à faire sa prière, il ne va pas faire le wudu, ou bien il va rentrer dans les rangs, il va prier, il va faire, hein, il va faire sujoud, recours, sujoud, et puis après il va sortir de la prière, il va aller faire quelque chose d'autre, après il revient, comme un enfant. Hein, peut-être un enfant, il va rentrer dans les rangs, tu sais, il a 2 ans, 3 ans, il rentre dans les rangs, il va imiter son père, hein, il va faire un sujoud avec lui, recours, après il se tourne, il regarde à côté, il s'en va jouer, après il revient, il sait pas ce qu'il fait, il sera pas récompensé pour ça, parce qu'il sait même pas réellement pourquoi et qu'est-ce qu'il fait, et il n'a pas l'intention de toute façon. Et même si il disait des paroles de kufr, ça compte même pas non plus, parce qu'il sait même pas ce qu'il dit. Donc on accepte ni des paroles de foi, ni des paroles de kufr, ni la salat, ni n'importe quelle autre parmi les adorations, parce qu'il n'a pas la raison. Bal la yasluhu huwa 'inda 'ammati al-'uqala'i. Donc il dit, et même que pour, même pour les affaires yani de la dunya, comme le commerce, ou bien les choses de travail, comme les métiers, hein, il ne peut pas le faire selon la majorité des gens intelligents. Ils sont conscients qu'une personne comme ça, qui est déficient intellectuel, ou qui est folle, elle ne peut pas faire ce genre de métier-là, elle ne peut pas faire ce genre de travail. Hein. Et même, elle ne peut pas devenir, par exemple, parfumier ou un autre métier comme ça, bazaz, on dit. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني لأنه غير مكلف مرفوع عنه القلم وليس له قصد في الأعمال لا الخير ولا الشر ليس عنده قصد. Donc, il est pas chargé, pas responsable de qu'est-ce qu'il fait. Donc, la plume est soulevée pour lui. Les anges ne les écrivent pas. Et donc, يعني, pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'intention dans ce qu'il fait, ni dans le bien ni dans le mal. Et il dit, فَإِذَا كَانَ لَا يَصْلُحُ لِأُمُورِ الدُّنْيَا وَلَا يُوَلَّى عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا لِعَدَمِ أَهْلِيَتِهِ فَكَيْفَ أُمُورَ الْآخِرَةِ. Donc il dit, si même pour les affaires de la dunya, il ne peut pas les faire, hein, puisqu'il n'est pas apte à faire des choses parmi les choses de la dunya, alors que dire des choses de la vie, de la chose qui ont rapport avec l'au-delà, encore plus. Hein, donc il ne peut pas être Bazaz ou bien Attar. Attar, c'est celui qui vend l'itr, le parfum. Et Al-Bazaz, c'est celui qui vend Al-Baz. Mais Al-Baz, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Après, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit, wala haddad, wala haddadan, wala nadjaran. C'est-à-dire, il ne peut pas non plus être un forgeron, et ni un ébéniste, ou bien un charpentier, quelqu'un qui travaille le bois. Ainsi, il n'a pas son intelligence. Yani, ashab al-hiraf. Cheikh al-Fawzan, il dit, yani, ashab al-hiraf. Les gens qui ont un métier. Il ne peut pas faire de métier parce qu'il n'a pas sa raison. Il dit, voilà, tasih uquduhu. Donc, c'est sûr qu'il y a des degrés dans les déficiences intellectuelles. Donc, si c'est le degré de la personne qui est complètement, comme si inconscient de qu'est-ce qu'il fait, c'est une chose. S'il a un niveau de déficience qui est léger et qu'il reste quand même conscient, puis il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, ça c'est, dans ce cas-là, oui, c'est correct. Ou bien il y a des fois des gens qui n'ont pas une folie qui est permanente. C'est-à-dire c'est par moment. Hein? Tu vois qu'à un moment ils sont lucides, hein? Et ils sont conscients et ils parlent normal, ils sont vraiment normal. Puis pendant un moment donné, là, tu les vois qu'ils divaguent complètement, ils disent n'importe quoi, ils sont perdus. Donc, c'est par période. Et donc, dans ce cas-là, les ulama, ils disent, bon, pendant qu'il est lucide, ses actes vont être valables. Puis, pendant qu'il n'est pas lucide, ou pendant qu'il perd la raison, dans ce cas-là, ces actions-là qu'il a fait pendant cette période-là ne seront pas comptées contre lui. Et vous savez que même dans les lois des hommes, quelqu'un qui est par exemple aliéné ou fou, qui fait un crime, il ne va pas être coupable. Hein? Ils vont dire non, il est non coupable parce qu'il est aliéné ou bien il a un problème mental ou des choses comme ça. Ensuite, le cheikh dit « Wala tasihu uquduhu bittifaq al-ulama » ولا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك ولا غير ذلك من أقواله بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع. Donc le cheikh il dit que même les contrats qu'il signe sont nuls, sont pas valables. La personne qui a pas sa capacité intellectuelle, s'il signe un contrat, son contrat il a pas de valeur, selon l'accord de tous les ulama. Même c'est son contrat de vente ou d'achat, s'il achète quelque chose ou qu'il vend quelque chose, ça compte pas. Hein? On va dire qu'une personne qui est déficiente intellectuelle, elle prend de l'argent, elle s'en va s'acheter quelque chose au magasin. Elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle achète. Elle ne sait même pas si ça vaut, combien ça vaut ou quoi que ce soit. Donc si elle dépense cet argent-là, ça ne va pas compter. Ça ne va pas être valable. Hein? Hein? Ben en fait, les commerçants, ils risquent de ne pas refuser, tu vois. Mais c'est que par la suite, on va retourner le voir, puis on va lui dire, écoute, cette personne est déficiente, intellectuelle, elle a acheté ça, mais c'est pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc, ou bien peut-être elle va gaspiller son argent pour rien, tu vois. Elle va rentrer dans un magasin, elle va acheter 10 montres, hein, ou bien des choses comme ça, elle n'en a pas besoin. Et le vendeur, il est content parce qu'il a fait une grosse vente. Hein, c'est ça qui compte pour lui. Ouais, s'il craint pas Allah, oui, il va faire n'importe quoi. Ni non plus son mariage et son divorce. Le mariage, il compte pas. S'il le fait, ça compte pas parce qu'il sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Et le divorce non plus. Hein? Et son témoignage ou sa comment on a dit, quand quelqu'un il quelqu'un, hein? Ben ouais, son témoignage, mais aussi comme si par exemple elle comme c'est quelqu'un qui dit par exemple il va se s'accuser elle-même, comment on dit? Quand quelqu'un il va, c'est comme s'il va s'accuser lui-même, ou il va déclarer qu'il a fait quelque chose, hein, ou quelque chose comme ça, ça compte pas non plus. De même que toutes ces paroles, il dit même que toutes ces paroles sont des paroles qui n'ont pas de valeur. Et il n'y a aucun verdict de la charia qui est relié à ces paroles, ni récompense ni punition. C'est-à-dire que Allahu a'lam, je sais pas. S'il s'était marié avant de perdre la raison, je sais vraiment pas par rapport à ça. Je sais vraiment pas est-ce que on va le séparer ou non. Ça dépend peut-être de son degré de, c'est parce que si sa femme elle accepte de s'en occuper puis de prendre soin de lui, ça c'est une chose. Allahu a'lam, je sais pas. Donc, je ne sais pas. Donc, ça, il faudrait regarder qu'est-ce que les ulama ont dit là-dessus. Après, le cheikh dit Bal aqwalu, ok. Et après, il dit Bikhilaf al-Sabi. Contrairement à l'enfant qui a atteint un degré de distinction, de discernement, hein, peut-être qu'il n'a pas encore la puberté, mais il comprend. Hein, il est intelligent, il comprend ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Donc, dans ce cas-là, ces paroles-là vont être prises en considération dans certaines questions, selon les preuves du Coran, de la Sunna et du consensus. Mais il y a des sujets dans lesquels il y a des divergences entre les ulama sur, à propos de l'enfant qui n'a pas encore la puberté mais qui a le discernement, est-ce qu'on va prendre dans tout qu'est-ce qu'il dit. Par rapport aux commentaires sur ce passage, Cheikh Al-Fawzan il dit « La yassihu bay'uhu wa shira'uhu wa zawajuhu wa » Donc il dit parce qu'il n'a pas de raison, donc tout ça c'est pas valable de sa part s'il va vendre ou acheter, se marier, divorcer ou des choses comme ça. Après il dit وحتى الأقوال القبيحة إذا صدرت منه كالسب والشتم وألفاظ الكفر لا يؤاخذ عليها لأنه ليس له قصد. Donc même s'il dit des paroles laides, des insultes, hein, des injures, des paroles de kufr, il va pas être tenu pour compte par rapport à ça parce qu'il n'a pas d'intention. وهذا من رحمة الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى فلا يعذب إلا من بلغته الرسالة وكان متأهلا بالعقل. Il dit ça fait partie de la miséricorde d'Allah, de la part d'Allah et de sa justice, que quelqu'un ne va pas être puni tant que yani, ou excepté s'il a reçu le message et qu'il a la raison pour comprendre hein, ce message-là. Donc si quelqu'un n'a pas de raison, il ne va pas être puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à ça, je me rappelle les discussions des philosophes des Lumières à l'époque, comme Jean-Jacques Rousseau, puis Voltaire, ceux qui parlaient du bon sauvage, hein, par exemple la personne qui parlait, par exemple des gens qui vivaient dans la forêt ou dans la jungle, qui ne connaissaient pas les conventions de la ville ou les règles de la religion ou des choses comme ça. Donc ils vivaient un petit peu comme des sauvages, n'importe comment, sans respecter aucune loi divine. Et donc ils discutaient parfois de ces sujets-là. Puis ils discutaient sur le fait que est-ce que par la raison, seulement par la raison, quelqu'un peut arriver à comprendre qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est immoral, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, s'il n'a pas reçu la révélation. Et la réponse, c'est que oui, on peut, dans la plupart des choses, dans beaucoup de choses, on est capable de sentir ou de comprendre ce qui est bien et mal, hein, avec la fitra. On sait, Allah il nous a mis certaines notions de la justice, de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui est mal. Sauf que si quelqu'un n'a pas reçu le message des prophètes et des messagers et il n'a pas su ce qui l'attend dans l'au-delà, hein, il n'a pas su qu'est-ce qui l'attend dans l'au-delà par rapport à ses œuvres, que ce soit dans le bien ou dans le mal, eh bien il ne va pas être puni. Il ne sera pas mukallaf dans ce cas-là s'il ne le sait pas. Hein, il n'a pas reçu le message du tout. Donc même s'il s'abstenait de boire de l'alcool par sa raison, parce qu'il voit les faits, puis il dit « Ah ça, là, ça me fait perdre la tête, je ne veux pas boire d'alcool. » Il ne va pas être récompensé pour ça. Et s'il le buvait, il ne serait pas puni non plus de l'avoir bu. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas même au courant que c'est quelque chose qui a été ordonné ou interdit, hein, il ne sait pas. D'accord ? Peut-être que il y a beaucoup de choses qu'il est capable de comprendre par sa raison, mais ça c'est pas suffisant. Il faut qu'il ait reçu le message de la révélation. Et bien entendu, s'il n'a pas la raison pour comprendre ce message-là, eh bien il ne pourra pas non plus être puni non plus, parce que ça prend la raison pour pouvoir comprendre ce message-là. Donc ça prend les deux en fait, la raison et le message. Et le cheikh il dit donc contrairement à l'enfant, il dit ولذلك سمي مميزا لانه يميز الصحيح من الفاسد ويميز بين الضار والنافع ليس مثل من دون التمييز او مثل المجنون لا يميز فيثاب على الذكر وعلى التسبيح والتهليل وعلى الصلاه وعلى العبادات وتكون له نافله. Donc contrairement, donc la personne qui est folle et qui n'a pas sa raison, elle est différente de l'enfant qui a le discernement. Donc même s'il n'a pas atteint la puberté, eh bien du moment qu'il est capable de distinguer entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est correct et ce qui est incorrect, ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible, hein, alors dans ce cas-là, c'est valable de sa part ces œuvres-là, et il n'est pas comme celui parmi les enfants qui n'ont pas atteint l'âge du discernement. Hein, comme les petits-enfants qui sont vraiment jeunes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu le mets dans les rangs de la prière, et puis quand les gens sont dans le rukou, lui est dans le sujoud, et quand les gens font le sujoud, il se relève, il ne suit pas l'imam, et si tu lui dis « suis l'imam », il ne comprend pas, il joue, hein, il va sortir des rangs, il va revenir, il va peut-être même se tourner dans l'autre sens. Au lieu de se prosterner vers la Qibla, il se prosterne devant les gens ou dans l'autre sens. Donc, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, il n'a pas le discernement. Mais un enfant qui est arrivé à un certain âge, comme 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, à partir de ces âges-là, bon, ça dépend d'un enfant à l'autre aussi. Certains enfants sont plus, ils comprennent plus tôt que d'autres. Hein. Donc, Donc s'ils ont atteint à un certain âge le discernement, bien dans ce cas-là c'est correct. La prière va être valable de leur part et il va être récompensé pour le dhikr qu'il fait. S'il dit subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, s'il fait la salat ou s'il fait le jeûne ou d'autres adorations, il va être récompensé et ça va être comme une nafila pour lui. Ça va être comme un acte surérogatoire. Après le cheikh il dit, cheikh ibn Uthaymi, cheikh ibn Taymiyyah, il dit wa idha kana al majnun la yasihhu minhu al iman ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله. Donc le cheikh dit, si la personne est folle et qu'on n'accepte pas de lui ni la foi, ni la piété, ni le rapprochement à Allah par les actes obligatoires ou les actes surérogatoires, donc cette personne-là ne peut pas être un wali. Et il n'est pas permis à quiconque de croire que c'est un wali d'Allah. Il ne peut pas être un wali d'Allah et il n'est pas permis à quelqu'un de croire que cette personne ou ce genre de personne serait un wali d'Allah. Le cheikh il dit, cheikh al-Fawzan à ce sujet, il dit « Al-Majnoun la yusafu bi annahu waliyun lillah, wa la annahu aduun lillah, li annahu ghayr mukallaf. Lakin al-Sheikh ينبه على شيء مهم وهو أن الصوفية يعتبرون المجانين من خواص الأولياء وأن ما يفعلونه فعل ولي وهذا رد على الخرافيين الصوفية الذين يعتقدون أن المجانين وفاقد العقل أولياء لله فيتوسلون بهم. يعني الشيخ il dit donc la personne qui a perdu la raison, on ne peut pas dire que c'est un wali d'Allah ou que c'est un ennemi d'Allah. On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas un wali, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un adou. Parce qu'il n'est même pas mukallaf à la base. Je me rappelle, il y a quelques années, peut-être une quinzaine d'années en arrière, une dizaine d'années en arrière, il y avait un monsieur qui se promenait sur Jean Talon avec un genre de... c'est pas un kamis, il avait un kamis, mais par-dessus le kamis, il avait comme un genre de abaya, blanche. Non, je me rappelle pas qu'il avait des cheveux longs. Il avait un chapeau tout le temps, puis c'est comme une cape là, avec un capuchon comme ça sur sa tête, puis une cape blanche avec les babouches là. Il marchait dans la rue sous Jean Talon comme ça. Il allait de l'est à l'ouest. Et puis, même, il avait pas de barbe, mais ça paraît qu'il était du Maghreb. Il marchait tout le temps sur Jean Talon, il allait, il venait. Puis, c'est comme si... je ne l'ai jamais vu rentrer dans une mosquée, ou des fois prier, ou faire la salat. Mais les gens, ils prenaient, comme si certains, peut-être, ils s'imaginaient que lui, c'était un wali. Et chez les soufis, il y a cette notion-là, que la personne qui est folle, qui est mendiant, qui dort dans les déchets, dans les poubelles, qui vit dans la rue, ils pensent que c'est un wali. Il y a des gens comme ça. Même qu'il y en a parmi les soufis qui croient que pour briser ton nafs, comme ils disent, pour casser ton ego, il faut que tu vives comme ça. Tu t'en vas dans la saleté, dans les impuretés, dans les égouts avec les chiens, et puis tu te purifies pas, tu te laves jamais, puis c'est comme ça, tu fais juste le dhikr, puis tu vas devenir un wali. Il y a des exemples comme ça mentionnés dans les livres des soufis. Donc c'est pour dire que ça c'est des fous qui agissent comme ça, c'est pas des awliya. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il est d'une famille musulmane? Mais non, c'est normal, il y a des gens comme ça. Il n'est pas responsable de qu'est-ce qu'il fait, parce que ce n'est pas sa faute. Il est fou. C'est comme... c'était qui donc? S'il y avait un... Je me rappelle quand je suis devenu musulman, à la mosquée de Montréal-Nord, il y avait un homme avec une barbe énorme. Et puis, il se rasait toujours le crâne puis la moustache. En fait, il ressemblait, il avait beaucoup de caractéristiques des Khawarij. Et puis, cet homme-là, il dormait à la mosquée parce que je pense qu'il n'avait pas de maison, je ne sais pas, il était toujours à la mosquée. Mais tu vois qu'il avait un problème. Il parlait toujours tout seul, il se parlait à lui-même. Et puis, tout le temps, il priait, tout le temps en train de réciter le Coran. Mais sans aucune compréhension, il faisait n'importe quoi. Puis quelques années plus tard, tu vois, on l'a revu dans la rue, plus de barbe, plus rien, hein, avec les cheveux longs, comme tu dis. Peut-être que c'était de lui que tu parlais. Donc c'est pour dire, Riani, il avait complètement changé, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas la raison, qui ne savait pas ce qu'il faisait. Yani, celui qu'on appelle Majnoun, c'est celui qui est fou en fait, mais parce qu'il a un djinn, des fois c'est parce qu'il est possédé qu'il est fou. Al-Majnoun, yani, alladhi massahu al-djinn. Hein? Donc, mais ça peut être aussi parce qu'il yani, a un problème dans son cerveau, dans sa tête, ou bien parce qu'il a été frappé par un djinn. Hein, ou par de la sorcellerie ou des choses comme ça, il peut y avoir beaucoup de causes, hein? Il peut y avoir de nombreuses causes. Et le cheikh il dit, donc cette personne, elle n'est pas un wali d'Allah, elle n'est pas un ennemi d'Allah, parce qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle fait. Et il dit, le cheikh ici, il nous renote ce point important. Pourquoi? Parce que certains soufis, ils considèrent que les fous sont parmi les élites des awliya, et que ce qu'ils font sont des actions de wali. Et il dit, en fait, Ibn Taymiyyah, il veut ici réfuter les superstitieux parmi les soufis et ceux qui croient à n'importe quoi. Ceux qui pensent que les fous et ceux qui ont perdu la raison sont des awliya d'Allah et qu'on peut les prendre comme des intermédiaires pour aller vers Allah dans l'adoration ou des choses comme ça. Il y a peut-être la semaine prochaine la semaine prochaine je vous amènerai des exemples de certaines citations des soufis à propos de ça. Vous allez être choqués. Il dit فَإِنَّ بَنِي آدَمْ أَوْ جَمِيعَ الْخَلْقِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالشَّيَاطِينِ وَبَنِي آدَمْ وَالْجِنِّ يَنْقَسِمُونَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ خُصُوصًا بَنِي آدَمْ وإلا فالملائكة قسم واحد أولياء لله عز وجل الرسل كلهم أولياء لله عز وجل أما بنو آدم والجن أي الثقلان الجن والإنس فهم على ثلاثة أقسام قسم يكون وليا لله وهم المؤمنون المتقون وقسم يكون عدوا لله وهم الكفار والمشركون والمنافقون وقسم لا يوصف بأنه ولي لله ولا عدو لله وهم من ليس عندهم عقول كالمجانين والأطفال الذين ليس لهم عقول فهؤلاء لا يوصفون بأنهم أولياء ولا أعداء لله عز وجل لأن هناك من الناس من يعتقدون أن المجانين أولياء لله وأنهم يتوسل بهم وهم غالب الصوفية والقبوريين والمخرفين الذين يعتقدون أن هؤلاء أولياء لله مع أنهم ليسوا أولياء ولا أعداء لله عز وجل هم غير مكلفين وهذا القسم الثالث الذي لا يعنيه الشيء الذي وهذا القسم الثالث هو الذي يعنيه الشيخ الآن. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit que les fils d'Adam se divisent en trois catégories. Parmi les fils d'Adam et les djinns, il y a trois catégories. Il dit en ce qui concerne les anges et les diables. En ce qui concerne les anges et les prophètes, ils sont tous des awliya. Hein? Les anges sont rapprochés d'Allah, c'est des adorateurs d'Allah. Les messagers et les prophètes sont tous des awliya d'Allah, parce qu'ils sont tous des adorateurs, des serviteurs d'Allah. Hein? Tandis que les shayatins, c'est des ennemis d'Allah. Hein? Et il dit, en ce qui concerne les hommes et les djinns, eh bien, il y a trois catégories parmi eux. Il y a ceux qui sont des awliya d'Allah, les serviteurs d'Allah rapprochés, les croyants qui ont la piété. La deuxième catégorie, ce sont les kuffars, ou les mushrikoun, ou les munafiqoun. Donc les hypocrites, les mécréants, et ceux qui font le shirk avec Allah. Et il y a une troisième catégorie, au sujet desquels on dit, ils ne sont ni des awliya, ni des ennemis, ni des a'da. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de raison, comme les fous, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de raison. Donc ceux-là, on ne les décrit pas comme étant ni des awliya, ni des ennemis d'Allah, ni des a'da. Et il dit, malheureusement, il y a des gens qui pensent que ces gens-là qui sont fous, sont des awliya d'Allah. Et ils les prennent comme yani, des moyens pour se rapprocher d'Allah. Et ça, c'est la plupart des soufis. Il y a parmi les adorateurs des tombes et les gens de la superstition et des fausses croyances. Ils pensent que ces fous-là, ces personnes qui ont perdu la raison, sont des awliya d'Allah. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas des awliya ni des ennemis. Ils n'ont pas du tout de raison, donc ils ne sont pas responsables de leurs paroles ou de leurs actions. Et c'est la troisième catégorie, cette catégorie-là dont Ibn Taymiyyah, Cheikhul Islam, il parle maintenant. Après, il dit « وَلَا سِيَمَا أَن تَكُونَ حُجَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ إِمَّا مُكَاشَفَةُ سَمْعِهَا » يعني لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات وسرع فلا يجوز لأحد أنه يعتقد أنه ولي. Donc t'as pas le droit de, celui-là, le fou, il peut pas être un wali d'Allah, et t'as pas le droit de croire non plus que c'est un wali. En particulier, si ta preuve pour dire que c'est un wali, c'est yani de baser sur une vision que t'as vue dans un rêve, hein, quelque chose, tu dis, ah, j'ai entendu ça dans un rêve, ou j'ai vu ça dans un rêve, ou à cause d'un comportement qu'il a eu, que tu as vu de sa part. Hein, comme par exemple, tu l'as vu faire le signe de l'unicité avec son doigt, hein, et que ensuite de ça il est mort, ou bien il a été foudroyé, ou des choses comme ça. Hein? Donc le shaykh il dit, يعني اعتقد انه ولي واذا قيل له ما دليلك على انه ولي لله قال قد يحصل منه امور غريبه تجري على يده كالمكاشفة وهي الأخبار عن أشياء غائبة يعني أو مستقبلة أو يشير إلى أحد ثم يصاب. C'est ça qu'il voulait dire ici le cheikh, yani comme si la personne elle dit des choses, yani comme si la personne elle dit oui, lui c'est un wali, je crois que c'est un wali. Elle parle de la personne qui a pas sa raison. Il dit, oui, lui, c'est un wali. Et quand tu lui dis, mais c'est quoi ta preuve que c'est un wali d'Allah? Il dit, ah, mais yani, il y a des choses étranges qui est arrivé avec lui. Hein? Par exemple, il a dit des choses de l'invisible ou de l'avenir, puis ça s'est produit. Hein? Ou des choses comme ça. Donc, eux, ils disent, ah, ça, c'est la preuve que c'est un wali. Même si c'est un égaré, même s'il ne fait pas la salat, même si il se purifie même pas. Hein? Oui, c'est grave. Justement, il demande non seulement à ces gens-là de faire des doigts pour eux, mais même il les invoque en dehors d'Allah parfois aussi. Ça, c'est pire encore. Hein? Ou bien ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah. Donc il y a cet exemple là ou bien parfois il va dire aw yushiru ila ahadin yarahu qad ashara ila wahid famat aw sura, c'est-à-dire, moi j'avais pas compris ça comme ça. Yani il dit ici le cheikh que il le voit pointer quelqu'un avec son doigt et puis la personne elle tombe morte, ou bien elle est foudroyée, elle perd connaissance. On dit, ah, il a un pouvoir, hein, parce qu'il a juste à mettre son doigt, pointer quelqu'un avec son doigt, la personne elle tombe, hein. Donc c'est un wali, ça n'a rien à voir. Et le cheikh il dit, هذا خارق للعادة. Eux ils disent ça c'est un miracle, c'est un prodige. Hein? Il peut juste pointer quelqu'un de son doigt, ou même il regarde avec son œil, la personne elle tombe. Hein? Personne elle regarde comme quelqu'un comme ça, elle lui fait un regard et puis il tombe. Hein? Et oui c'est ça. Oui il y a des gens qui ont ces croyances là, yani, subhanallah. Il dit فدل على أن هذا المجنون ولي لله فنقول هذه الأمور لو جرت على يد العقلاء فإنها خوارق شيطانية فلا تدل على ولاية الله فكيف إذا جرت على يد من ليس عنده عقل هذا أولى إلا أن يوصف بأنه ولي لله تصرف غريبا فيظن أن هذه كرامة ومن كان عنده كرامة فهو ولي نقول لا هذه لا تعدو أن تكون من خوارق الشياطين يجرونها على أيدي هؤلاء ولو جرت على يد عاقل ما يعد من أولياء الله ما دام أنه ليس من المؤمنين المتقين فكيف إذا جرت على يد غير مكلف كل هذا بسبب الشياطين لأجل أن تلبس به على الناس أن تلبس به على الناس. Donc le cheikh il dit ça fait partie des choses, yani, eux ils se basent là-dessus pour dire que quelqu'un est un wali. Et le cheikh il dit, nous on répond à ça en disant que si ces choses-là se faisaient de la part d'une personne qui a sa raison et qui n'est pas folle, on dirait que dans ce cas-là, on dirait ça, c'est des ruses du diable, c'est des tours du diable. C'est le diable qui leur fait faire ce genre de choses-là, ou qui les aide à faire ce genre de choses-là. Et ça n'indique aucunement que ce sont des awliya d'Allah. Alors que dire lorsque ces choses-là se produisent de la part d'une personne qui a perdu la raison? Hein? Il mérite encore moins qu'on les décrive comme étant des awliya d'Allah. Hein? La personne s'est comportée de manière étrange, donc on imagine que ce qu'elle fait c'est un miracle, un prodige, hein? Qu'elle a des prodiges qu'elle fait, ou des karamates, et que c'est un wali d'Allah. On dit non, ça c'est pas une karama, c'est pas un wali d'Allah, ça c'est des tours du diable, c'est le shaitan qui leur fait faire ce genre de tours là, hein? Pour égarer les gens. Il dit même si ça se produisait chez quelqu'un qui a toute sa raison et toute sa tête, on dirait même pas de lui que c'est un wali d'Allah, du tant qu'il n'est pas parmi les pieux et parmi les croyants. Alors que dire dans le cas de la personne qui n'est même pas responsable de qu'est-ce qu'elle dit ou de qu'est-ce qu'elle fait et qui n'est pas mukallaf. Hein? Donc tout ça c'est à cause des diables et des shayatines, hein, qui veulent tromper les gens. C'est comme comment il s'appelle, de Dajjal. Dajjal, il n'est pas fou. Il a sa raison. Et il est capable de faire des choses que personne ne peut faire. Hein? Est-ce que à cause de ça, on va dire le Dajjal c'est un wali d'Allah? Mais selon les soufis, ils vont dire que oui. Hein? Parce qu'il est capable de faire des choses. Ils vont dire, ah, le Dajjal il fait des karamates. A'udhu billah. C'est pas des karamates, c'est le shaitan, hein, qui fait ce genre de ruse là. Et en plus il pratique pas la religion, il fait pas la salat, il prie pas à Allah, hein, il se déclare lui-même qu'il est Dieu ou des choses de kufr. Comment tu peux dire que lui c'est un wali d'Allah, hein? Le cheikh Ibn Taymiyyah il dit ensuite, فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله. Hein? Donc le cheikh il donne l'exemple, il dit on sait que même chez les kuffars et les munafiqin, parmi les mushrikin et les gens du livre, eh bien ils ont eux aussi des fois des choses qu'ils font ou qu'ils disent qui sont des choses diaboliques qu'ils font, que le diable les aide à faire certaines choses qui sont difficiles à expliquer. Peut-être que parfois ils vont dire des choses et puis que par la suite ça se produit dans l'avenir, hein? Ou bien parfois peut-être qu'ils vont faire des choses, comme par exemple on leur attribue certains miracles ou des choses qui se passent, ils disent oh ça c'est des miracles, oh ça y est c'est des saints, ou c'est des choses comme ça. Tu trouves ça chez les catholiques, tu trouves ça chez les protestants, chez les mouchriquins. Hein, par exemple, il y en a parmi les soufis, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent sur le charbon, ils marchent sur le feu, puis ça les brûle pas. Ils prennent des tiges de métal, ils se passent ça à travers la joue, ici, ils le font sortir à l'intérieur, ils rentrent ça dans son nez, ils le sortent de l'autre côté. Peut-être même dans son ventre, il prend une tige de métal, il passe ça ici, il le sort de l'autre côté. Hein? J'ai vu ça sur YouTube. Des trucs comme ça. Hein? Il prend des couteaux. Hein? Il joue avec les couteaux, il met ça dans son corps. Il traverse ça à travers sa main. Il prend la tige, il met ça à travers sa main. Et puis... Oui, il s'accroche avec des crochets dans sa peau. Oui, c'est ça. J'en ai vu un. Qu'est-ce qu'il faisait? Il plante un couteau sur sa tête. Hein? Il fait toutes sortes de folies. Puis après, eux, ils disent, ça c'est la preuve qu'on est des awliya d'Allah. Parce que ça c'est des karamates. Ça c'est pas des karamates. Même les kuffars et les mushrikines, il y en a parmi eux qui font la même chose que ça. J'ai vu ça chez des bouddhistes, ils font la même chose. J'ai vu ça chez des mushrikines, des idolâtres, ils font la même chose. Hein? Donc le cheikh dit, il y a aussi des voyants, des médiums, des gens qui prétendent voir l'avenir. Ils disent des choses, ils prétendent que des choses vont arriver demain, des choses comme ça. Hein? Ils disent c'est des voyants, c'est des médiums, c'est des gens qui ont le pouvoir de connaître l'avenir, des sorciers, des gens qui font de la sorcellerie, de la magie, des adorateurs parmi les mouchriquines. Tu vois ça en Inde, hein? Ils font toutes sortes de choses. Yani, subhanallah, c'est de la folie. Il y a des choses tellement graves qu'ils font, yani, c'est presque honteux pour mentionner ça. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des choses ridicules. Yani, subhanallah. Comment ils vont soulever des roches avec leur partie génitale? Ils prennent une grosse roche, hein, un gros poids, ils accrochent ça après leur partie génitale, puis ils soulèvent ça avec la roche. Ils soulèvent la roche avec ça. Comme si, qu'est-ce que c'est l'intérêt de faire ça? Mais c'est pour dire, regardez, on est des awliya. Yani, c'est ça l'action des awliya? Les awliya d'Allah, ils font pas ça? Hein? Ils ne vont pas faire des choses comme ça, auzubillah. Et parmi les chrétiens, la même chose. Hein? Tu vois, par exemple, à l'église, tu vois, à l'oratoire Saint-Joseph, ils ont dit que le Père André, là, celui qu'ils appellent le Père André, ils ont dit qu'il faisait des miracles. Quand tu rentres à l'intérieur, il y a plein de béquilles qui sont accrochées sur le mur. Je dis, mais pourquoi ils ont mis les béquilles là? Ils ont dit, ça c'est des gens, ils sont venus avec les béquilles, quand ils sont partis, ils n'avaient plus besoin des béquilles. Ils les ont laissées sur le mur pour, comme preuve que c'était, il y en a des miracles. Il y en a, peut-être n'importe qui s'en va là-bas, il n'avait même pas vraiment besoin de ces béquilles là. Hein? C'est le shaitan qui lui faisait mal dans sa jambe ou quoi. Et quand il est venu devant le frère André, hein? Il veut l'égarer, le convaincre de son shirk encore plus. Hein? Alors il sort de sa jambe. Le shaitan, il sort de sa jambe, ou il laisse sa jambe. Hein? Et puis là, lui, il dit, ah, ça y est, je suis guéri. Hein? Soit que c'est le qadar, Allah il avait prédestiné que hein, ça allait se produire là, donc c'était une coïncidence que Allah a prédestiné. Puis eux, ils pensent que c'était à cause du fait que c'était lui qui les a guéris, alors que c'était pas le cas. Ou bien c'est juste le shaitan. Il dit des fois même qu'est-ce que certaines personnes font. Il dit comme je pense même il y a un hadith comme ça. Il y a une femme qui dit j'avais mon œil qui tremblait comme ça, ma paupière qui vibrait. Et après qu'est-ce que je pense, je me rappelle plus le, hein? Oui c'est ça. Il dit ça c'est un shaitan qui vient et qui fait bouger ta paupière comme ça. Mais quand tu mentionnes Allah, après ça s'en va, ou bien tu fais le ruqya puis ça s'en va. Mais les mouchriquins, les kuffars, eux, ils vont demander protection à des créatures au lieu de demander l'aide d'Allah ou la protection d'Allah. Et ça c'est une épreuve, c'est le test. Hein. Le shaitan il vient pour te tester, pour te t'égarer dans ta foi. C'est comme le frère, il dit, des fois, ils se mettent d'accord. Celui que les gens prétendent que lui, c'est un saint ou un wali, puis ceux qui viennent le voir, ils se mettent d'accord pour dire bon. Hein? Et ça, on le voit dans les églises des protestants, parce que eux, ils veulent souvent prouver aux gens que la véracité de leur da'wa est la preuve que qu'est-ce qu'ils croient, c'est vrai, c'est qu'ils peuvent faire des miracles. Et ça, il y a certaines sectes chez les protestants, en particulier comme les évangélistes, hein, les pentecôtistes, eux c'est comme ça. C'est-à-dire que si le pasteur il fait pas des miracles, c'est pas un vrai pasteur. Et j'en ai entendu parmi eux parfois, certains, ils font ça. Ils disent entre eux, ils discutent, par exemple, un qui est pentecôtiste ou évangéliste, puis l'autre, il est d'une autre église. Il dit, est-ce que toi, ton pasteur, il peut faire des miracles? Si il dit non, c'est-à-dire, ah, toi, t'es pas sur la vraie. T'es pas un vrai chrétien. Il y a beaucoup de trucs comme ça chez les chrétiens. Entre eux, ils sont toujours en train de se dire, c'est qui le vrai chrétien? Hein, mon église, c'est la vraie. Et c'est pour ça les noms des églises, tu vois, les noms des églises, parfois c'est des noms vraiment... c'est comme si pour dire l'église de Dieu, l'église de l'arche de Noé, hein, ou bien l'église du seul vrai Dieu, sauveur, ou l'église... Et c'est comme pour dire... Pourquoi? Parce qu'en réalité, chez les protestants, chaque pasteur est un prophète pour eux. Et ils pensent que c'est lui qui a une révélation divine. C'est pour ça que tu les entends crier comme des fous. Ils sont toujours en train de parler comme s'ils sont possédés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire croire aux gens qu'ils sont inspirés de Dieu quand ils parlent. Et même des fois, même il y en a certaines parmi les certaines sectes comme ça, comme les pentecôtistes, ils pensent que quand ils parlent, des fois l'Esprit Saint descend sur eux, puis ils vont même parler en langue. Ils disent parler en langue. Ça veut dire quoi parler en langue? Ils vont parler dans des langues que personne ne comprend. Et ça, c'est le shaitan, exactement. C'est le diable qui leur fait parler comme ça. Une fois, j'étais à l'époque, au début, quand on est devenu musulman, j'étais à l'époque où, après, il y en a au cégep Onsik. J'allais au cégep Onsik. Puis on avait fait une petite table avec des livres pour que les gens viennent pour poser des questions sur l'islam, puis en même temps pour leur faire connaître la religion de l'islam. Et il y en avait un petit groupe de jeunes qui étaient venus à la table, puis il y en avait un parmi eux, c'était un haïtien, il allait dans une église justement protestante comme ça. Et puis, nous on était en train de lui parler, de lui expliquer le tawhid, l'unicité d'Allah, que Jésus c'est pas Dieu, des choses comme ça. On lui expliquait que c'était un prophète d'Allah et tout. Puis quand il savait plus comment répondre, là il commençait à se mettre en transe et puis il commençait à prononcer des paroles dans un langage bizarre que personne comprend. Et moi et les autres frères, on se regardait, on se dit, mais il est fou ou quoi? Et les autres chrétiens qui étaient avec lui, c'est comme si en voulant dire, ah, on comprend qu'est-ce qui lui arrive. Il parle en langue parce qu'il est pris par l'Esprit Saint, c'est comme... Hein, c'est comme un signe de grande foi pour eux quand quelqu'un est comme ça. Hein? Non, c'est exactement. C'est là que tu vois le mérite ou la grande grâce quand Allah a guidé quelqu'un au tawhid et l'a préservé de ce genre de superstition. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces évangélistes-là, parfois, parmi les protestants? Eh bien, ils vont se mettre d'accord avec un nombre de personnes dans la salle. Quand je vais vous appeler pour lever, pour dire hein, si vous êtes malade ou quoi, vous allez venir. Hein, puis là, tout d'un coup, vous allez dire que hein, c'est un miracle. La personne, elle vient avec la chaise roulante, elle arrive dans l'église, elle ne peut pas marcher. Et là, le pasteur, il dit, au nom de Jésus, hein? Et là, la personne, elle se lève, miracle, je peux marcher. Alors que c'est même pas vrai, hein? Il pouvait déjà marcher. C'était arrangé avec c'est comme on dit au Québec, c'est arrangé avec le gars des vues. C'est-à-dire, c'est arrangé avec le producteur, hein, du film. C'est des trucages. Ils ont arrangé ça exprès. Oui. Des fois, c'est comme tu dis, c'est des drogues. La personne, elle prend ça, puis là, elle tombe par terre, elle commence à trembler. Ils disent, ah, ça y est, elle est possédée par l'Esprit Saint. Alors que c'est pas vrai. C'est soit, comme tu dis, des substances qui lui font réagir comme ça, elle devient épileptique, ou je sais pas quoi. Ou bien, c'est d'autres explications, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être un wali d'Allah, ou d'être rapproché d'Allah, ou de la piété, ou quoi. Au contraire. Donc, ça, c'est des choses, en réalité, c'est des jeux, des ruses. Et ça prouve rien. Et parmi les soufis, il y en a qui ont ces mêmes idées-là. Tu vas les voir parmi les soufis, hein, si vous voulez même. Le pire, c'est que maintenant, à l'époque, on parlait de ça, et on se basait sur les écrits seulement. Maintenant, pour établir la preuve encore plus contre eux, ils se sont même filmés en train de faire ces affaires-là. Alors maintenant, celui qui avait des doutes là, il n'y a plus de doutes. Leurs vidéos sont, c'est eux-mêmes qui les ont mises sur Internet pour établir la preuve contre eux. Donc tout ce qu'ils font comme égarement et des trucs diaboliques, ils se sont filmés eux-mêmes en train de les faire et ils les ont mis sur YouTube ou d'autres. Hein, d'autres sites. Et les gens peuvent les consulter et voir leurs égarements avec leurs propres yeux s'ils avaient des doutes. Hein? Et il y en a qui disent, non, mais ça, c'est pas ça le soufisme. Hein? Le problème, c'est que tu peux pas prouver que c'est pas ça. C'est ça le problème avec le soufisme. C'est que tu peux pas prouver qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de base. Si je te dis, l'islam, c'est ceci et c'est pas cela, je te dis, la preuve, c'est parce que tout ce qui fait partie de l'islam, c'est ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et dans l'ijma des salafs. Donc, si tu peux le prouver dans le Coran et dans la Sunna, ça veut dire que ça, c'est l'islam. Si tu me dis que quelque chose fait partie de l'islam, amène-moi la preuve. Si tu peux pas m'amener la preuve, je vais dire, ça fait pas partie de l'islam. Hein? Mais eux, ils peuvent pas faire ça parce que leur truc, c'est un truc inventé. Hein? Donc le cheikh il dit فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على قول الشخص وليا لله. Donc il n'est pas permis à quiconque de se baser uniquement sur ce genre de choses, hein, de ce genre de comportement diabolique pour établir que quelqu'un est un wali d'Allah. وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله. Donc il dit, il n'est pas permis de se baser sur ce genre de choses uniquement pour dire que quelqu'un est un wali d'Allah. Ça c'est si on ne sait pas que cette personne a fait quelque chose qui est en contradiction avec le fait d'être rapproché d'Allah ou d'être un serviteur d'Allah. Alors que dire de la personne dont on sait clairement que ce qu'il fait est en contradiction et vient complètement annuler la proximité d'Allah ou l'adoration d'Allah. Et le cheikh il explique, cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, il dit shaytaniya laysat sadira anhum wa innama hiya min ash-shayatin allati tulabisuhum aw tukhalituhum. Donc les koufars, les mushrikines, les gens du livre, hein, et tous ces gens-là, les qui font des actes qui sont parfois surnaturels ou extraordinaires, qui sont en réalité des trucs que c'est les diables qui les aident à les faire. Hein, parce que parfois ils sont possédés ou bien ils se mélangent avec les diables et les shayatins. Ensuite, il dit le cheikh, فَهُمْ تَجْرِي عَلَى أَيْدِيهِمْ وَهُمُ الْكُفَّارُ وَمُشْرِكُونَ وَهُمْ كُفَّارُ وَمُشْرِكُونَ تَجْرِي عَلَى أَيْدِيهِمْ أَشْيَاءَ غَرِيبَةٌ وَهِيَ مِنَ الشَّيَاطِينَ وَلَيْسَتْ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيَاطِينَ الَّذِينَ لَابَسُوهُمْ وَخَالَطُوهُمْ لِيُضِلُّوا بِهِمُ النَّاسِ فَلَيْسُوا أَوْلِيَاءَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مجرد وجود الخالق لا يدل على أن هذا الشخص ولي لله حتى ينظر في عمله فإن كان من المؤمنين المتقين فهو ولي لله وهذه كرامة أجراها الله على يده وإن كان فاجرا كافرا مشركا فهذه خوارق شيطانية ولذلك المشركون عندهم الكهان وعندهم المجنون المنجمون عندهم الكهان وعندهم المنجمون وعندهم من هذه الأنواع مع أنهم مشركون. الشيخ il dit ça c'est les diables qui font ces choses là chez eux. Donc quand c'est des kuffars et des mushrikin, ils peuvent parfois faire des choses étranges, surnaturelles et inexplicables. Mais c'est les diables qui leur font faire ces choses-là. Et c'est pas eux qui les font, c'est les diables qui le font, hein, qui leur font faire ça. Le cheikh il dit ensuite, hein, le diable qui s'est mélangé à eux ou qui les ont couverts, donc qui font ces choses-là avec eux, pour égarer les gens. Donc ils ne sont pas des awliya d'Allah. Donc le simple fait que quelqu'un fait des actes surnaturels ou des choses qui semblent miraculeuses, ça ne veut pas dire que la personne qui fait ça est automatiquement un wali d'Allah. Il faut regarder ses œuvres. Si la personne, elle fait les œuvres des pieux, des croyants, alors oui, dans ce cas-là, on va dire que c'est un wali d'Allah. Hein? Et on va dire que ce qu'elle a fait, c'est un prodige que Allah lui a permis de faire. Hein? C'est un prodige que Allah a fait apparaître sur lui. Mais si c'est une personne qui est un pervers parmi les koufars et les mouchriquins, hein, donc on va dire ça c'est des choses du diable, hein, c'est le diable qui lui fait faire ça, et c'est pour ça que tu vois il y a des choses que yani, chez les koufars et les mouchriquins tu trouves chez eux des voyants, des médiums, des sorciers, hein, des astrologues, hein, les gens qui disent, ils lisent dans les étoiles qu'est-ce qui va se produire, hein? Et ils ont toutes sortes d'autres choses aussi comme ça, malgré que ce sont des mouchriquins. Donc si les mouchriquins ils peuvent faire ça, donc si quelqu'un il est parmi les musulmans puis il fait la même chose que ceux-là, puis il utilise ça comme preuve qu'il est un wali d'Allah, alors on va dire, dans ce cas-là, est-ce que vous allez dire des juifs et des chrétiens qui font ça et des mouchriquins qui font ça, eux aussi sont des awliya d'Allah alors, hein? C'est ça l'argument ici. Si vous dites, hein, ceux parmi les soufis et ceux qui font ça, qui se disent awliya d'Allah parmi les musulmans, qui font ce genre de trucs diaboliques et qui sont en train de compte, comme c'est pas des gens qui pratiquent l'islam, mais ils font toutes sortes de prodiges. Eux, ils disent que ça, c'est des karamates. Si eux, ils sont, eux, ils disent que le fait qu'ils sont capables de faire ça, ça, c'est la preuve qu'ils sont des awliya d'Allah, ou bien, nous, on va leur dire quoi? On va leur dire, mais les juifs et les chrétiens, ils font ça aussi. Et les mouchriquins, ils font ça aussi. Est-ce que eux sont des awliya d'Allah? Hein? Tu comprends? Est-ce que eux, c'est des awliya d'Allah? Si vous dites que eux sont des awliya d'Allah alors qu'ils adorent les diables et qu'ils sont des mouchriquins et des koufars, alors dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes comme eux. Hein? Il n'y a pas de différence entre ce que eux ils font et ce que vous faites si vous n'êtes pas en train de pratiquer l'islam. si vous contredisez l'islam, si vous faites le contraire de ce que font les awliya, puis vous dites que vous êtes des awliya, ça ne marche pas. Vous faites le shirk et vous dites que vous êtes des awliya. Vous faites le kufr et vous dites que vous êtes des awliya. Vous faites des bid'ah, vous dites que vous êtes des awliya. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous distingue? Dans ce cas-là, il faut dire aussi que les juifs et les chrétiens, les bouddhistes, les hindous et les autres mouchriquins sont des awliya d'Allah aussi alors. Et ça, on ne peut pas le dire. Parce que ces gens-là ne peuvent pas être des awliya d'Allah. Il dit, « فَلَا تَتَّخِذُوا هَذِهِ الْخَوَارِقِ دَلِيلًا عَلَى الْوِلَايَ لِلَّهِ مَا دَامَ أَنَّهُ غَيْرُ تَقِيٍّ وَغَيْرُ مُؤْمِنٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُشْرِكٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ مُنَافِقٍ فَهَذِهِ خَوَارِقَ شَيْطَانِيَّةٍ » Donc c'est le diable en réalité qui leur fait faire ça. Ce n'est pas des awliya d'Allah. C'est des awliya du shaytan. Oui, c'était le Cheikh Nazim de la tariqa des Naqshbandiya, un diable. Il est mort, hein? Il est mort, qu'Allah lui donne ce qu'il mérite. Il est mort, oui, le vieux qui ressemblait à un diable, hein? Et lui, il a dit, moi, je peux dire ce que je veux. Et là, il commence à dire des gros mots. Il dit, même quand je dis des insultes et des gros mots, les anges, ils écrivent des hasanat pour moi. Il dit, tout ce que je dis, c'est écrit comme des bonnes actions. Même si je dis des insultes. Il dit, ça c'est une karama. Il y a la vidéo quand il dit ça. Oui. Mais c'est pas juste qu'il croit, il les adore. Pour eux, là, cet homme-là, ils vont même l'adorer, ils vont se prosterner devant lui. Oui. Je les ai vus comme ça. Ils vont tourner en rond comme ça, ils tournent sur eux-mêmes. Puis quand ils ont fini, ils s'en vont devant le cheikh et ils se prosternent, ils font soujoud devant le cheikh, carrément comme ça. Donc lui, ce cheikh-là, Nazim, il a rencontré le pape. Et là, il commence à dire. Hein, le cheikh Nazim, il dit, ouais, il est bon, lui c'est un homme bien et tout. Il dit, prie pour moi. Anis, il va prier qui? Le shaitan. Le pape, c'est un adorateur du diable. Il adore le shaitan. Comment tu vas lui demander de prier? Mais en réalité, les deux, ils sont sur la même voie. Cheikh Nazim et le pape. Et peut-être même que le pape, il est moins égaré que Cheikh Nazim. Parce que les soufis, eux, ils croient en wahdatul wujud, que Allah, il est tout et dans tout. Probablement qu'ils pensent même que le pape c'est Dieu aussi, hein, puisqu'ils disent que tout est Dieu. Donc si tout est Dieu, le pape est Dieu aussi, hein, a'udhu billah. Donc ça c'est les croyances de ces égarés là. Et on va terminer avec ce point là. C'est le point dans lequel le cheikh il dit mithlu an yu'lama, hein, يعني مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وظاهرا بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. Non, je les ai vus quand ils font le hadra, ils font ça. Ils vont parler tout d'un coup là quand ils se lèvent, parce qu'ils pensent que le prophète صلى الله عليه وسلم est présent à ce moment-là. Quand il se présente, alors il se lève. C'est par respect pour soi-disant. Il y a des gens dans leur tariqa, il y a des gens de différents pays. Mais tu les retrouves en Asie, dans les pays arabes, dans différents pays. Mais maintenant, ils essaient beaucoup d'attirer beaucoup d'Africains avec eux. Oui, il y a les Africains, ils ont beaucoup de soufis parmi eux. Mais ce n'était pas en général des gens de la tariqa Naqshbandiya. En Afrique de l'Ouest, cette tariqa-là n'était pas très propagée. C'est ça. Afrique de l'Ouest, c'est surtout la Qadiriya, Tijaniya et des turq locales. Oui, des mourides, ça c'est au Sénégal et d'autres aussi. Mais sinon. Oui, il y en a plein comme ça. Ça c'est des turq locales. C'est les turqs locales, c'est-à-dire que tu ne vas pas les trouver en dehors du Sénégal, ces turqs-là, hein? Et, c'est-à-dire, si tu les trouves en dehors du Sénégal, mais c'est des Sénégalais. Tu ne vas pas trouver d'autres qui sont dans ces touroucs-là. Tu vois? Tandis que les touroucs qui sont internationales, c'est-à-dire, il y a des branches dans différents pays, dans différentes origines. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont partis étudier avec ce cheikh-là à l'époque, puis qui ont ramené une branche de cette tariqa dans leur pays. Hein? Et donc, il y a eu des différentes branches un petit peu partout dans le monde. Hein, comme la tariqa Qadiriya, tu la retrouves partout, en Asie, en Afrique, partout. Hein? Tandis que tariqa, comme tu dis, les Layan, là, puis ces gens-là, ça, c'est des trucs locaux. Tu trouves que des gens de ce pays-là qui ont cette tariqa-là, ils n'essayent pas de l'exporter. Hein? Et s'ils vont quelque part, ils vont l'amener avec eux, mais c'est juste entre eux. Hein? Donc... Écoutez, on peut finalement, j'ai décidé de continuer un petit peu, ok? Parce que sinon, j'ai vu qu'on a commencé un petit peu en retard. On va continuer un petit peu, on va arrêter un peu plus loin, finalement. ومثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. Il dit, c'est comme, par exemple, il y en a qui, hein, il y en a qui se disent, ou qui croient que quelqu'un peut être un wali, hein, alors qu'il sait qu'il fait des choses qui sont en contradiction et qui annulent complètement l'islam de quelqu'un. C'est-à-dire, il dit, celui-là c'est un wali et il sait que cette personne, elle fait des annulatifs de l'islam. Hein. Sans parler de l'annulatif de la wilaya, hein? Par exemple, le cheikh dit par exemple, il croit que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam intérieurement et extérieurement n'est pas obligatoire. Il croit, c'est parmi les soufis, il y en a parmi leurs chouyours qui croient que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire dans les croyances et dans les pratiques, que ce n'est pas une obligation. Hein? C'est comme si. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de le suivre parce qu'ils disent que eux, ils ont d'autres façons de se rapprocher d'Allah que la façon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils n'ont pas besoin de se limiter à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a amené pour adorer Allah et pour se rapprocher d'Allah, puisque eux, ils ont un contact direct avec Allah. Donc, ils n'ont pas besoin d'un prophète. Donc, ce n'est pas obligatoire pour eux de suivre ou d'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de le suivre. Oui, on a parlé de ça déjà dans le livre au début, hein, la Shubha de Khidr. Et on a expliqué que Khidr, déjà, la différence avec Moussa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le prophète pour tous les hommes et les djinns, jusqu'à la fin des temps. Personne ne peut prétendre sortir de son message. Tandis que Moussa alayhi salam, il est venu pour Bani Israël en particulier, et pour Pharaon, pas pour tous les peuples. Et son message était limité à une époque. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non. Hein? Donc c'est pour dire qu'il y a déjà cette différence-là entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi salam par rapport à Khidr. Et il y a beaucoup d'autres différences aussi. D'utiliser cet exemple-là, ça c'est quelque chose que les ulama ont réfuté depuis longtemps. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là. Il dit, certains croient que c'est obligatoire de suivre la révélation et la charia uniquement dans ce qui est apparent et non dans la réalité. Donc ils disent, vous avez la haqiqa, vous avez la charia. Nous, on suit la haqiqa. Hein? La haqiqa, c'est le sens caché de la révélation et la signification de la révélation. Tandis que vous, vous suivez les règles apparentes et les choses apparentes. Hein? Donc, nous, on est les gens qui ont, nous avons la haqiqa et vous, vous avez la sharia. Donc, il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, هؤلاء الذين يدعون أنهم من أولياء الله يظهر عليهم من الكفر والفجور الشيء الكثير وتضييع الفرائض وفعل الفواحش لكن يقول لهم الشيطان لكن يقول لهم الشيطان ويقولون هؤلاء ليس عليهم تكليف هؤلاء وصلوا إلى الله ورفعت عنهم التكاليف فهم أولياء لله الشيطان يلبس عليهم ويزين لهم الحجج فنقول هؤلاء أولياء للشيطان وليسوا أولياء للرحمن وهذه خوارق شيطانية تلبس بها الشياطين على الناس أو تلبس بها الشياطين على الناس فلا تغتر بها ولا تدل على ولاية الله وهم يعملون الشرك ويعملون الفواحش ويستبيحون ويستبيحون ويقولون هؤلاء ليسوا مكلفين وليس عليهم حلال ولا حرام وكل شيء مباح لهم. Ça aussi, c'est une autre explication de ça. Le cheikh, il dit, ceux-là, ils prétendent qu'ils sont des awliya d'Allah et on voit apparaître chez eux du kufr et des perversités et des péchés. Beaucoup d'exemples de ça. Ils délaissent les obligations et ils se permettent de faire toutes les turpitudes et tous les péchés. Hein? Et ils disent à leurs fidèles, si vous voyez votre cheikh qui fait ça, dites-vous pas qu'il fait un péché. Hein? Pour lui, c'est pas un péché. Hein? Il dit pourquoi? Parce que eux, ils sont pas mukallafin, ils ont déjà atteint Allah. Ils sont arrivés à Allah déjà. Ils ont atteint la certitude et la vérité. Hein? Donc, toutes les obligations de la charia et les responsabilités de la charia leur ont été retirées. Il n'y a plus d'obligations, il n'y a plus d'interdictions pour eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont libres. Hein, de façon absolue, parce qu'ils sont des awliya d'Allah. Hein? Donc, c'est comme une histoire que j'avais lue, je me rappelle, dans un des livres, parmi les livres des soufis, un cheikh qui avait écrit un livre pour montrer les égarements des soufis, il mentionne une de ces histoires qui était écrite dans leur livre. Et cette histoire-là, c'était une femme, hein, une femme religieuse, une femme pieuse, qui rentre pour aller poser une question à un cheikh ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il trouve que le cheikh, il est en présence de femmes à moitié nues, qui sont pas ses femmes, hein, puis qui vivent avec lui, qui sont dans la maison comme ça, hein. Alors elle dit, je pensais pas ça de toi, cheikh, que tu allais être en présence de femmes dévergondées comme ça, hein, dans ta maison. Puis il dit, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses, hein? Tu veux voir la réalité? Il lui a dit, regarde encore une fois. Alors elle regarde et elle voit comme des genres de cadavres, comme si ces femmes-là c'était comme des corps toutes morts, hein, comme des cadavres, hein. C'est pas c'était plus l'apparence des belles femmes qu'elle avait vues là. Donc il dit, tu les vois maintenant? Il dit, moi, je les vois constamment dans cette apparence là, comme des cadavres, des femmes qui sont en décomposition là, comme des mortes. Hein? Donc toi, tu les vois là, ces femmes là, c'est comme si on voulait dire, c'est pas une tentation pour moi ces femmes là. Parce que pour moi, là, c'est comme, quand je les regarde, là, c'est comme des cadavres. Ça ne m'attire pas, ça ne me fait rien. Hein? Donc, c'est pour dire, la femme s'est excusée. Elle dit, oh, je m'excuse d'avoir pensé du mal de toi, des choses de ce genre. Mais ça, c'est des gens d'histoire que tu trouves chez les soufis. Hein? Hein? Si tu trouves le cheikh qui est en train de boire du vin, pour lui, ce n'est pas du vin. Oui, c'est du lait. Quand ça rentre dans sa bouche, ça se transforme. Hein? Oui, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils vont faire le zina, ils vont se permettre d'être avec des femmes avec lesquelles ils ne sont pas mariés. Et pour eux, ce n'est pas un péché. Ils ont le droit. Hein? Donc, tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont atteint, hein, la vérité, la réalité de Dieu. Hein, donc, ils n'ont plus d'obligations, ils n'ont plus d'interdictions. Le cheikh, il dit ça, en réalité, ce ne sont pas des awliyas d'Allah, ce sont des awliyas du shaitan. C'est le diable qui les a confondus dans leur religion. Et donc, ils utilisent ce genre d'arguments pour embellir le péché, les péchés qu'ils font, et leurs égarements et la mécréance. Donc, c'est des awliyas du diable, des alliés du diable, et non des awliyas d'Allah. Et qu'est-ce qu'ils font comme parfois des actes qui sont surnaturels ou des choses comme ça? Ça, c'est le diable qui leur fait faire ça pour tromper les gens. Donc, ne soyez pas trompés par ça. Et il dit, ça n'indique pas que ce sont des awliyas d'Allah, parce qu'ils font du shirk, ils font des turpitudes, des péchés, ils rendent halal ce qui est haram, hein. Tu vois, par exemple, parmi les soufis, les chouurs soufis, hein, ils se mélangent normal avec les femmes. Et ils vont être avec des femmes qui n'ont pas de voile, et ils ne vont jamais leur dire voilez-vous correctement. Non, au contraire, ils aiment ça, être en présence de ces femmes-là. Pourquoi? Parce que c'est comme pour. C'est parce qu'ils suivent leur passion. Hein. Et en tout cas, il y a des choses, ça ne nécessite pas qu'on les mentionne, parce que quand même, on est dans la mosquée, mais c'est pour vous dire, ces gens-là, ils se permettent n'importe quoi. Hein? Et donc ils disent, eux, ces gens-là, ils ne sont pas mukallafin, ils n'ont plus de halal, il n'y a plus rien qui est halal ou obligatoire ou halal ou haram pour eux, tout est permis parce qu'ils ont atteint Allah subhanahu wa ta'ala. والتكاليف إنما هي للعوام أما هؤلاء فخاصة الخاصة ترفع عنهم التكاليف ولا يحرم عليهم شيء. Donc ils disent les interdictions c'est pour les gens du commun comme les prophètes, les messagers, hein, les gens de bien, les ulama, les gens de la science, les musulmans ordinaires. Eux, hein, ils doivent s'abstenir des choses interdites parce que c'est des gens ordinaires. Nous, on est les élites parmi les pieux. Donc, tout est permis pour nous. Il n'y a plus d'interdiction parce qu'on a déjà atteint Allah. Hein, on est arrivé à notre objectif déjà. Et il dit, كذا يقولون ويفرقون بين الشريعة والحقيقة الشريعة للعوام أما الحقيقة فهي للخواص فعندهم شريعة وحقيقة وهذه تقسيمات أهل الباطل لا فرق بين الشريعة والحقيقة عند أهل الحق وهم يفرقون بينها بينهما ويقولون الشريعة للعوام أما الحقيقة فهي للخواص. Donc le cheikh il dit qu'eux ils disent qu'il y a deux choses. Dans la religion, il y a la sharia, qui sont les règles extérieures et apparentes de la religion, les interdictions, les obligations, les choses comme ça. Et il y a la haqiqa, qui est le sens et la réalité cachée de la religion, que seules les élites peuvent connaître et comprendre. Et donc il dit, nous, on n'est pas obligés de suivre la sharia. On a atteint la haqiqa. Hein? Et le cheikh dit, il n'y a pas de différence dans l'islam pour les gens de la vérité entre la sharia et la haqiqa, les deux, c'est une seule et même chose. Il n'y a personne qui peut sortir de la sharia, peu importe. Hein? Jusqu'à sa mort, tu dois appliquer la sharia, tu ne peux pas en sortir. Et la haqiqa et la sharia, c'est la même chose. Donc ceux qui distinguent entre les deux et qui disent la sharia c'est pour les gens du commun, puis la haqiqa c'est pour les gens, hein, des élites ou les gens particuliers, alors ça c'est des awliyas du shaitan, ces gens-là. Et il y en a parmi les soufis, ils vont dire non, les soufis, les vrais soufis doivent absolument respecter la sharia, hein, ils vont dire ça aux gens, mais en réalité c'est juste pour tromper, parce que en fait les soufis, il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont parmi eux, entre eux, ils ont des degrés. Et parmi eux, il y a certains qui sont des initiés, qui viennent de donner l'allégeance au cheikh. Eux, ils ne connaissent pas ou on ne leur explique pas la réalité de tout ce qui est dans le soufisme depuis le début. On leur cache des réalités et des choses du soufisme. C'est juste une fois qu'ils ont été bien lavés, hein, leur cerveau a été bien savonné, et qu'ils ne leur reste plus aucune notion de discernement entre la vérité et le faux, là, ils leur révèlent des réalités cachées du soufisme et ils leur expliquent les choses d'une autre façon. Mais quand t'es pas soufi avec eux, ou que t'es pas initié, t'as pas donné une bay'a à un cheikh, ou bien t'es pas atteint un certain degré dans le soufisme, on va t'expliquer les choses d'une autre façon. On dit, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Combien de fois j'ai entendu, il y a même des exemples comme ça, des chouyours soufis, c'était l'heure de la salat, et eux, ils sont assis comme ça. Et leurs fidèles, ils se lèvent pour aller faire la salat et eux, ils restent assis, ils ne prient pas. Ils disent, mais pourquoi, cher, tu ne pries pas? Non, moi, je suis allé prier à Mecca. Pendant que vous êtes assis ici, en train de prier, moi, j'ai prié à Mecca déjà. J'étais allé faire la salat à Mecca et je suis revenu. Il y en a même parmi eux, ils disent, non, même la Kaaba, elle vient faire tawaf autour de moi. Et puis, elle retourne après. Comme si pour eux, leur cheikh est tellement important, c'est pas eux qui vont faire le tawaf autour de la Kaaba à Mecca, c'est la Kaaba qui vient faire le tawaf autour de leur cheikh. Oui, ils disent des bêtises comme ça. Non, l'échec. Mais c'est parce que ces gens-là, je te dis, on leur a fait une lobotomie, on leur a enlevé leur cerveau. J'ai lu une histoire comme ça dans leur livre. Tu vois, dans leur livre Tabaqat al-Awliya de Sha'rani, toutes sortes de choses ridicules, des histoires à dormir debout. Oui. Une histoire que j'ai lue comme ça, l'autre, il était dans la mosquée, supposément, il était à Masjid al-Nabawi, un parmi les soufis. Et puis, il était en train d'attendre pour la salat de Jumu'ah. Puis il y avait beaucoup de monde. Et il dit qu'il a perdu son wudu à ce moment-là. Donc c'est difficile pour lui de sortir pour aller faire le wudu. Puis s'il veut rentrer, peut-être qu'il va même pas pouvoir rentrer. Il y a trop de monde. Alors il a regardé son cheikh. Et il dit, son cheikh a compris qu'il a perdu son wudu. Alors il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, j'ai rentré dans la manche de mon cheikh. Et je me suis retrouvé au bord de l'océan. Alors j'ai fait mon houdou, puis je suis ressorti. Il y a des histoires comme ça. Non, c'est des histoires comme ça, tu retrouves. Tu dis, mais ces gens-là, ils vivent dans des... Oui, c'est comme tu dis. On dirait que c'est des gens, ils ont pris de la drogue, et ils vivent dans des... Ils ont des expériences. Il y en a, même parmi eux, ils pensent que le wali, il peut se dédoubler. Il peut vivre à différents endroits, là, et avoir plusieurs vies en même temps, dans différents pays. Oui! Il dit, je suis allé dans telle ville, j'ai trouvé tel cheikh. Il dit, je suis allé dans une autre ville, je l'ai trouvé, il était là-bas. Il avait une femme et des enfants là-bas. En même temps, donc. Il peut avoir plusieurs personnes, il peut se diviser en plusieurs personnes en même. Oui. Non, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'exemples. Amin. Il pense aussi que le wali, il doit être capable de contrôler la pluie et de faire pleuvoir quand il veut, qu'il peut faire une femme tomber enceinte comme ça, sans qu'elle ait de soi-disant des rapports. Ou bien que par exemple, ils vont dire, il peut décider qui est un wali directement. Oui, il peut juste décider, toi t'es un wali, maintenant t'es un wali toi. Ça veut dire maintenant, à partir de maintenant, tout le monde va te considérer comme un wali. Oui, c'est comme ça. Là, pour, pour les soufias, la walaya, déjà même, parfois, ça se transmet de père en fils. Si le père, il est wali, le fils, il va être wali automatiquement. Parce qu'il est, il est le fils. Même des fois, ça a créé des grosses... divisions même parmi les soufis. Pourquoi? Parce que le cher soufi, il avait des élèves parmi des fidèles qui le suivaient et qui sont tout le temps avec lui. Puis lui, le cher, il a un fils, il fait pas la salat, il est pervers, il est égaré complètement. Puis quand il meurt, il désigne son fils pour son successeur, alors que son élève qui était à côté de lui, toutes les jours en train de lui embrasser les pieds, lui, il est rien. Alors il dit, ah, comment ça, le cheikh, il a choisi lui plus que moi. Alors là, ils sont pas contents de ça. Ils sont pas contents de ça. Et ça fait des divisions. L'autre, il déclare, il crée sa propre tariqa après. Il dit, ah, j'ai reçu le secret de mon cheikh, donc je peux maintenant faire ma propre tariqa. J'ai plus besoin de ce cheikh. Non, ces gens-là ne sont pas musulmans, c'est ça que le cheikh il est en train d'expliquer. Oui, je les ai vus faire ça. Oui, non, c'est vrai. Et tu les vois, ils dansent devant les gens, sans honte, comme si c'est normal. Et pour eux, le cheikh qui fait ça, c'est acceptable. Et les femmes qui portent pas le voile, et ces femmes, elles portent pas le voile, elles s'exhibent devant les hommes, et puis elles se mélangent aux hommes, puis il, comme tu dis, là, il déclare que sa femme est cheikh, et puis les gens, ils la suivent. Donc c'est de n'importe quoi, ces gens-là. Tu vois? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et que yani, ça c'est, y a rien qui peut te préserver contre l'égarement de ces gens-là, excepté la connaissance et la foi, parce que sinon tu t'égares loin là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم